voulais dire un truc tout à l'heure et je le redis, Byzance, on n'a rien à foutre, négationnisme, nihilisme, franchement négativisme, sionisme, merde, c'est vrai quoi, on n'a rien à battre.